d'écrire. Je raconte un pays que toi seul connais. J'espère être fidèle aux strates indécises qui forment ses frontières. J'y tenterai mes mots comme des prétendants pour fonder un empire d'une goutte d'estime.